J'écris mon histoire, j'écris la tienne, j'écris la sienne, j'écris la leur. Je remonte le temps, je vis le passé sans me demander l'heure. Des fois je rime, des fois je pleure, des fois je kick, des fois j'ai peur, des fois je m'aime et des fois je m'écœure. Déjà 20 années que je traîne dans ce putain de jeu. Souvent quand j'écris j'ai besoin de parler à Dieu. Des fois je l'écoute, des fois je le suis, des fois j'ai les doutes et des fois je le fuis. Je ne suis que l'auteur de tous mes ennuis. Il est temps pour moi de continuer sans lui. Vous l'entendez? La musique, je peux l'entendre partout. Dans le vent, dans l'air, elle est tout autour de moi. Viens faire un petit tour dans ma tête, Biporero. Avant que ma vie ne s'arrête, Biporero. J'écris des textes crus à la maison, parfois l'impression d'avoir perdu la raison. J'écris des bouts de ma vie, je suis le chemin, mon destin. J'écris parce que j'ai envie, ouais ça soulage, très bonne thérapie. J'écris comme ça, vient trop de choses à dire. J'écris pour les miens avant de partir. J'écris la merde, j'écris la joie, je t'écris ce monde qui me fatigue. J'écris pour me soulager, me délaver des soupçons maudits. J'écris ce projet avec Egal G, car on est construit. J'écris des messages et les dictes. J'ai fait un passage dans la street. Le rap a pris, je suis addict. Hey, profite, profite, ça passe vite, ouais. Je crois à la musique comme d'autres croient au conte de fées. Et je me dis que si j'apprenais à jouer, peut-être qu'il m'entendrait et qu'il me trouverait. Viens faire un petit tour dans ma tête, Biporero. Avant que ma vie ne s'arrête, Biporero. J'écris des textes crus à la maison, parfois l'impression d'avoir perdu la raison. Viens faire un petit tour dans ma tête, Biporero. Avant que ma vie ne s'arrête, Biporero. J'écris des textes crus à la maison, parfois l'impression d'avoir perdu la raison.